بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui on va voir un nouveau chapitre les frères. Barakallahu fikum. On est arrivé au chapitre 6. La parole de l'imam al-Bukhari rahimahullah qui dit babu ismi man awa muhditan. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. Il nous dit donc le sixième chapitre ou le sixième sous-chapitre, le sous-chapitre concernant le péché de celui qui al-iwa, donc c'est le fait de réfugier, d'accorder refuge, et donc le péché de celui qui accorde refuge à un innovateur. Rapporté par Ali du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ici, premièrement, les frères, barakallahu fikoum, il est important de comprendre ce qui est voulu par le mot innovateur. Qu'est-ce qui est voulu par là? Déjà, le hadith auquel il fait allusion, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, donc c'est un hadith qu'il a cité lui-même dans son sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Al-Medina tu haramun min ayrin ila kada. Médine, et donc c'est une ville qui est sacrée de tel endroit à tel endroit. Il a cité deux montagnes. Et donc cet endroit entre ces deux montagnes est un endroit sacré. Faman ahdatha fihi hadathan, fiha hadathan, fa alayhi la'natullah. وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. Et donc, Médine est une ville sacrée. Celui qui va innover dans celle-ci, celui-ci aura la malédiction d'Allah, de ses anges et de tous les hommes. Et Allah n'acceptera rien de lui. L'imam Muslim a cité dans son sahih un hadith toujours de Ali radiallahu anhu, qui dit لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'Allah maudisse celui qui maudit son père. Comment un homme va maudire son père? Soit il lui dit, voilà, soit il va insulter quelqu'un ou maudire quelqu'un, maudire le père de quelqu'un qui va ensuite maudire son père à lui aussi. Et qu'Allah maudisse celui qui égorge pour autre que Allah. Qu'Allah maudisse celui qui réfugie, qui accorde refuge à un innovateur. Et qu'Allah maudisse celui qui change les limites de la terre. Les limites de la terre. Exemple, on a ça en Martinique, des conflits. Hein? On a un terrain qui arrive jusqu'au bananier qui est là. Oui, et il y en a un, celui qui a un terrain, qui a son terrain qui arrive jusqu'au bananier, il a besoin de faire un parc de poules qui arrive plus, qui dépasse le bananier. Il va dépasser la limite du bananier et dire c'est mon terrain là. Non, c'est bon, c'est mon terrain. Il va modifier la limite qui avait été donnée. Et ça fait partie des grands péchés. Ça fait partie des grands péchés. Il faut respecter les limites qui ont été données sur terre. Mais ça fait partie des grands péchés qui causent la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Ça rentre dans quoi? Un grand péché. Non, mais il y a les grands péchés. Oui. Mais ça rentre dans quoi? C'est-à-dire, est-ce que c'est du polythéisme ou pas? Ben oui, parce que les grands péchés, ils sont. Oui, non, ils c'est pas du nommés. Polythéisme. C'est pas du polythéisme. Ça reste du grand péché. Le fait de changer les limites de la terre. Ce péché, le fait de changer les limites de la terre. D'accord? Et donc on voit dans ce hadith le fait qu'il est formellement interdit d'accorder refuge à un innovateur. Qu'est-ce qui est voulu par un innovateur? Ibn al-Athir, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Nihaya fi gharib al-hadith wal-athar. C'est un dictionnaire, si vous voulez. C'est concernant les hadiths. C'est-à-dire que dans les hadiths, dans les textes du prophète, des compagnons, parfois il y a des mots qui vont être un peu gharib, qui vont être étranges. On n'a pas l'habitude d'utiliser ces mots. Et donc on a besoin d'une explication. Alors lui, c'est un spécialiste dans la langue arabe et il a écrit ce livre afin de faciliter la compréhension. Et donc concernant le mot « el-muhdif », il nous dit, rahimahullah, il nous cite même le hadith, « Man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdifan » celui qui va accomplir une innovation à Médine ou qui va accorder refuge à un innovateur. Et nous dit ce hadith, ce qui est voulu par el-hadith, l'innovation, ici, c'est quelque chose qui est blâmable, dont on n'a pas l'habitude. Quelque chose qui est blâmable, quelque chose qui est mal, qui est mauvais, et qui n'était pas connu avant. Wala ma'roufun fi sunna, qui n'est pas connu dans la sunna. Donc ici, une innovation. Et il nous dit concernant el-muhdif, donc celui qui commet cette innovation, ce terme-là, il va être utilisé pour deux raisons. Celui qui fait l'innovation et celui qui accorde refuge à un innovateur. On va l'utiliser pour deux raisons. Et donc, il nous dit, celui qui accorde refuge à un innovateur. Un innovateur, donc on comprend les frères, un innovateur, ça ne comprend pas que la bida. Ça comprend aussi même le péché. Le fait d'innover un péché qui n'était pas connu, le fait d'innover aussi quelque chose de mal. D'accord ? Le fait de faire le mal. Ici, le terme hadith, il est encore plus général que ce qu'on connaît d'habitude. Ce n'est pas que l'innovation, inventer un acte d'adoration, etc., etc. Non. Ici, le terme hadith, il englobe tout ce qui est mauvais. Et concernant celui qui va accorder refuge à cet innovateur, à cette personne qui fait ce qui est mauvais, ce qui est mal, il nous dit ce qui est voulu ici. Il nous dit « Man nasara janiyan » celui qui va secourir ou soutenir un criminel. Ou alors lui accorder refuge, asile. Ou alors le protéger face à celui qui donc est en conflit avec lui. Tu connais un criminel qui a fait injustice à quelqu'un. Et bien toi tu vas le protéger face à celui qui est en conflit avec lui. Tu vas l'aider dans ce qu'il a fait. Il nous dit, et il y a aussi dans cela... El-Amrul Mubtada, il y a aussi l'innovation religieuse qui rentre dans cela. Et la satisfaction, être satisfait de ce que cette personne fait, cela rentre dans la participation au soutien. Une personne qui fait le mal, qui fait des innovations dans la religion, et tu vas être satisfait de ce que cette personne fait. Tu vas la soutenir, tu vas l'aider, tu vas te taire. Alors que normalement, tu dois mettre en garde contre cela. Tout ça, ça rentre dans L.I.U.A., le fait d'accorder refuge à un innovateur. Tout ça, ça rentre dedans. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, de mettre en garde contre le mal. Et c'est pour ça qu'il nous dit « فَإِنَّهُ إِذَا رَضِيَ بِالْبِدَعَ أَوْ أَقَرَّ فَإِلَهَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ فَقَدْ أَوَى » Il nous dit « S'il est satisfait de l'innovation et qu'il a agréé la personne qui a fait cela et qu'il ne lui a pas fait de reproche, la ilaha illallah, il ne lui a pas fait de reproche, alors là, il lui a accordé refuge. » Alors là, il lui a accordé refuge. Il l'a soutenu. On n'a pas le droit de se taire face aux innovations. On n'a pas le droit de se taire face au mal. On n'a pas le droit. Ensuite, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il nous cite un hadith avec la chaîne de transmission qui montre jusqu'à Asim qui dit « J'ai dit à Anas, harrama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Medina » Est-ce que le messager d'Allah... Il a rendu la ville de Médine sacrée Ibn Abbas, il a dit, Naam, de tel endroit à tel endroit, nous ne devons pas couper ces arbres. Man ahdatha fiha hadathan fa alayhi la'natullah wal mala'ikati wan nas ajma'in. Celui qui va donc y accomplir une innovation, alors celui-ci encourt la malédiction d'Allah ainsi que les anges et tous les hommes. Ibn Hajar rahimahullah, il dit que on comprend ici que ceci est spécifique à Médine dans ce hadith. On comprend que c'est spécifique à Médine. Sauf qu'il y a d'autres hadiths, comme on a cité précédemment, qui sont généraux. Des hadiths qui vont montrer que cette interdiction est générale. Et que ça ne concerne pas que Médine. Mais il est clair que le fait de faire cela à Médine est bien plus grave. Puisque c'est une ville sacrée. Et c'est de là que la sunna s'est propagée. Et donc c'est bien plus grave encore, le fait de soutenir l'innovation là-bas. Et d'ailleurs, le nom du chapitre qu'a choisi Al-Bukhari, rahimahullah, il montre bien que Al-Bukhari, il voit que ceci est général. Al-Bukhari, il nous dit, le péché de celui qui va accorder asile, refuge à un innovateur. Il n'a pas dit à Médine. Il n'a pas dit à Médine. Et donc Al-Bukhari aussi, il voit que cette interdiction, elle est générale. Ibn Hajar, rahimahullah, il nous cite une parole d'Ibn al-Qattan. Ibn Hajar, qui a fait l'explication du livre Sahih Al-Bukhari, en plusieurs volumes. Il nous dit, donc après nous avoir cité que le hadith, il montre que cela est spécifique à Médine. Il nous dit, même s'il est connu, que celui qui va donc accorder asile aux pécheurs et qui va participer avec eux dans le péché et qui va être satisfait de ce qu'ils font, alors celui-ci, il va rejoindre ce hadith, peu importe l'endroit où il est. Peu importe l'endroit où il est. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la ville de Médine de manière spécifique à cause de son caractère noble et que c'est l'endroit justement où il y a eu la révélation et que c'est l'endroit où vivait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de là qu'est parti, a démarré la propagation de la religion sur terre. Et donc voilà concernant ce hadith, les frères. Et donc on comprend qu'il est interdit de secourir le mal. Que ça soit une injustice face à ton frère, ou alors que ça soit une innovation dans la religion, tu n'as pas le droit de secourir le mal. Tu n'as pas le droit d'aider les gens à faire ce qui est interdit. Des innovateurs te demandent la permission de venir chez toi ou dans ta mosquée pour faire des innovations, tu n'as pas le droit de dire oh oui, venez, faites vos innovations, faites ci, faites ça, etc. Tu n'as pas le droit de les secourir. Est-ce que ce sont tes frères musulmans? Oui, c'est toujours nos frères en islam. C'est toujours nos frères en islam. Mais par contre, les secourir dans le mal, non. Non. Et souvent, les gens, ils vont comprendre quand on parle de dealer, quand on parle de tueur. Tu n'as pas le droit de soutenir un dealer. Hein? Un dealer qui veut t'amener tel endroit, qui veut que tu l'amènes tel endroit pour qu'il vende sa drogue. Ah, tu vas dire, ah non, moi, pas amène une pièce côté. Je l'amène nulle part. Hein? Ah non, non, non. Pourquoi? Je ne veux pas de problème. Taïb, et concernant la religion d'Allah? Concernant la religion d'Allah, la religion d'Allah n'était-elle pas, elle ne mérite-t-elle pas plus qu'on la protège? La croyance des musulmans ne mérite-t-elle pas plus qu'on la protège? Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Unsur akhaka zaliman aw mazlouman » Secours ton frère qu'il soit injuste ou opprimé. Les sahaba qui disent « Ô messager d'Allah, s'il est opprimé, c'est clair, mais comment je le secours s'il est injuste ?» Il a dit « Tu le secours en l'empêchant de faire son injustice. » Et c'est ainsi que tu l'auras secouru. Et donc quelqu'un qui doit faire une injustice, que ce soit un péché ou une innovation, si tu peux lui empêcher de le faire, empêche-le. C'est pour son bien. Même s'il n'est pas content. Parfois un enfant, il va être fâché parce que tu l'as empêché de sortir, tu l'as empêché d'aller jouer avec ses copains, etc. etc. Il ne sera pas content, mais c'est pour son bien. C'est pour son bien. Et donc il est important, barakallahu fikoum, de ne pas participer au mal. Allah Azza wa Jal qui nous dit dans son livre, la tarkanu, ne penchez pas. Ne penchez pas vers quoi? Vers ceux qui ont été injustes. Tu ne dois pas pencher vers eux, les secourir, les assister. C'est très important, barakallahu fik. Mais pour ça, il faut déjà apprendre notre religion. Pour savoir qu'est-ce qui est la sunna et qu'est-ce qui est bid'ah. Parce que si tu ne sais pas, tu avances les yeux fermés et tu marches sur des œufs. Et donc c'est important d'apprendre. Et c'est pour ça qu'inch'Allah ta'ala, on va faire ce séminaire. On va apprendre bi'idnillah, la aqidah, la croyance de Ahl Sunnati, des gens de la sunna et du groupe. Inch'Allah ta'ala. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا